durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons les matériaux de construction et de décoration. Dans ce domaine et d'un point de vue de l'impact sur notre environnement, la deuxième moitié du siècle dernier aura surtout été marquée par du grand n'importe quoi. Heureusement, les choses commencent à changer. Nous sommes en Meurthe-et-Moselle, dans la petite commune de Thézé-Saint-Martin, avec le fondateur et gérant de l'entreprise Matériaux Naturels de Lorraine. Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Pascal Gérard, bonjour. Bonjour. Pascal Gérard, Matériaux Naturels de Lorraine. Tout est dans le titre. Oui, tout est dans le titre. C'est parti donc d'un groupement GIE qui s'appelait Matériaux Naturels de France. Et chaque nouveau membre choisissait en fonction de sa région Matériaux Naturels de Lorraine ou Matériaux Naturels du Gers, etc. Ça permettait donc de situer le produit distribué et le lieu. Quand on dit matériaux naturels, évidemment, on parle et on pense maison, bâtiment. Ça veut dire, Pascal Gérard, que chez vous, on trouve tout ce qu'il faut pour construire une maison, comment on va l'appeler, écologique, durable? Ben, je dirais maison bioclimatique, donc à base de matériaux écologiques, et dont les qualités de la maison seront liées aux qualités des produits, des matériaux utilisés. Ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'on reproche aux matériaux? Alors, on va faire un parallèle avec l'agriculture. Qu'est-ce qu'on reproche aux matériaux dits conventionnels? Parce qu'en réalité, ils n'ont rien de traditionnel, évidemment. Alors, les matériaux conventionnels sont souvent des matériaux donc à base de laine minérale ou de polystyrène. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'inertie thermique. Ils n'ont pas de régulation hygrométrique. Et c'est ces deux facteurs-là qui sont très importants pour la conception du bioclimatique qui permet d'avoir donc ce confort-là dans l'habitation. Sans compter aussi, j'imagine, la présence de ces fameux COV, les composés organo-volatiles. Oui, mais on n'a jamais su... Se retrouvent dans les matériaux. On n'a jamais pu savoir exactement ce qui composait ces matériaux dits conventionnels, donc à base de laine minérale. Parce que ça a toujours été plus ou moins masqué. Mais c'est vrai que les matériaux naturels, eux, apportent ces garanties-là, même au niveau donc, des produits de traitement qui vont les rendre valides pour la construction et qui vont permettre de les rendre donc, anti-feu et anti-xylophage, par exemple. Je vais vous demander un inventaire à la Prévert, Pascal Gérard. Chez Matériaux Naturels de Lorraine, on trouve quoi? Alors, on trouve tout pour l'habitat écologique, c'est-à-dire on va tout trouver de la décoration à la construction, à l'isolation, même à l'équipement de la maison. Donc, en matériaux de décoration, on va avoir bien sûr tout ce qui est peinture naturelle, enduit naturel, donc des produits minéraux à base de terre ou de chaux. On va avoir aussi tout ce qui est huile de traitement des bois. En isolation, on aura tout ce qui est à base donc, de fibres naturelles, les fibres de bois, les fibres de chanvre, les lièges, les fibres issues des produits recyclés, tels le coton recyclé ou la ouette de cellulose. En construction, on aura les ossatures bois, on aura aussi des briques, tous ces matériaux-là. Avec aussi, j'imagine, du conseil pour le client qui, on en parlera tout à l'heure, la clientèle a beaucoup évolué. On prend une petite parenthèse, une référence au pendule, mais c'est une histoire qu'on se garde sous le coude pour tout à l'heure. Oui. Donc le conseil est primordial pour présenter ces matériaux-là qui sont différents donc des produits type laine minérale ou polystyrène de par leur qualité intrinsèque. La clientèle a beaucoup évolué. On a eu au départ des gens qui étaient donc des écolos purs et durs. Maintenant, les gens viennent pour ces produits-là pour leur qualité intrinsèque, c'est-à-dire qu'ils veulent le confort lié au produit et puis aussi le produit durable qui va passer le temps et qu'on n'aura pas besoin de changer tous les 10 ans. Pour, Ça veut dire aussi que nos concitoyens, on va leur laisser l'opportunité d'évoluer et de découvrir d'autres matériaux. On n'est pas obligé d'être écolo, né écolo et écolo de base pour venir acheter ces matériaux chez vous, Pascal Gérard. Bah, les produits-là maintenant sont heureusement connus, distribués. Il y a une énorme aussi, il y a beaucoup d'informations sur Internet, donc les gens ont beaucoup plus facile maintenant d'accéder à l'information sur ces matériaux-là et les connaissent. On a pu, comme au début, des gens à qui il fallait tout expliquer au départ, quand ils venaient la première fois au magasin. On a maintenant des gens qui sont avertis et qui ont besoin d'un complément d'information. Donc la clientèle a beaucoup changé. Maintenant, les gens savent ce qu'ils veulent. Et le problème, c'est qu'ils ont du mal à trouver des distributeurs qui ont la compétence sur l'ensemble des produits pour les guider dans leur choix et dans leur construction. C'est vrai, vous avez raison de le souligner, Pascal Gérard, on trouve aujourd'hui beaucoup de choses, pratiquement tout sur Internet, et on le verra chez vous, Matériaux Naturels de Lorraine, on a tout sur place, à la fois le choix, le conseil et le stock. Bah, le choix, le conseil, c'est primordial. Nous, on a souvent des clients qui viennent avec des idées reçues et pour qui on bouleverse un petit peu leur projet. Par exemple. Des gens qui disent, ça y est, ils ont vu le liège, toutes les qualités du liège, et ils veulent à tout prix du liège. Et on leur dit, attention, le liège, il n'est pas en quantité énorme. C'est un produit qui est assez coûteux en transport. On le pose dans des cas spécifiques, mais vous pouvez à la place mettre plutôt tel ou tel produit qui vous reviendra moins cher, qui sera plus adapté. Donc on bouleverse, on change les idées reçues et on bouleverse les projets. Donc c'est primordial. Et puis après, ce qui est important pour nous, pour le client aussi, c'est qu'il sache que ce produit-là est disponible, soit immédiatement, soit à très court terme, et qu'on peut faire le suivi du chantier complètement avec tous les produits qu'on préconise. Matériaux Naturels de Lorraine, on s'attendait peut-être plutôt, Pascal Gérard, à trouver votre entreprise dans une zone artisanale, autour d'une ville, autour d'une grande ville. Eh bien non, Thésée-Saint-Martin. Décrivez-nous Thésée-Saint-Martin, Pascal Gérard. Alors Thésée-Saint-Martin, c'est le lieu où j'habite. Donc j'ai démarré l'entreprise dans mes locaux, puisque j'habite une ancienne ferme. Donc j'avais la place pour développer, avoir du stock. Et en plus, ce village perdu est très bien situé dans ma zone de chalandise, puisqu'il se trouve exactement entre Nancy et Metz. Égale distance. Quand même en rase campagne, on peut le dire. En rase campagne, mais facilement accessible entre la 31 et l'axe Metz-Strasbourg. Et donc, on peut répondre aux demandes des populations mosellanes et meurthe-et-mosellanes, ainsi que sur Pont-à-Mousson ou sur Saint-Avold pour Est-Ouest. Mais quand même, c'était un pari osé. Lorsque vous créez Matériaux Naturels de Lorraine, MNDL maintenant pour les initiés, pour les intimes, oui, il fallait oser quand même. On peut être surpris quand même de trouver un tel dépôt sur un tel créneau dans un petit village de 204 habitants. 200, oui. Ben, le lieu, l'entreprise a démarré avec un réseau proche, donc d'artisans, de partenaires et de clients motivés. Ensuite, il s'est avéré qu'on a été très très très vite connus. Donc les gens après nous connaissent, nous situent et nous trouvent. Et puis après il y a eu le phénomène Internet, donc qui avec un site performant comme je peux avoir grâce au groupement nous permet d'être visible à l'échelle nationale. Qui sont vos clients et d'où viennent-ils, Pascal Gérard? Alors nos clients sont à 40% des particuliers, clients occasionnels pour petits travaux, ou clients particuliers autoconstructeurs qui ont vraiment des très très gros projets qu'on suit donc de A à Z, à qui on peut offrir donc toute la palette de produits nécessaires. Et 60% ce sont des entreprises, des artisans, qui ont chez nous bien sûr le stock, le conseil, et pour qui on est aussi apporteur d'affaires. Donc on est très satisfait d'avoir des artisans partenaires qui posent bien nos produits, correctement et vers qui on peut renvoyer nos clients particuliers qui ont bien du mal à trouver. Ça a longtemps été le point faible de la construction bioclimatique ou écologique ou durable, que d'avoir des artisans qui sont eux-mêmes formés et convaincus aussi, tant ils ont été baignés, encadrés par, on va pas citer de marque, mais le placo, la laine de verre, facile à poser. Oui, donc il a fallu qu'ils aient une volonté de reconversion, mais souvent on avait face à nous des artisans qui avaient une demande précise de leur clientèle. Donc, et puis en plus, ils avaient envie de changer, ils avaient envie de goûter à d'autres matériaux, et ils ont tout de suite adhéré à ces matériaux-là qui étaient agréables à poser et qui donnaient des résultats extraordinaires. Alors on parle bien sûr matériaux bio, on verra juste après, Pascal Gérard, en quoi ça consiste précisément les matériaux bio. Pour bâtir une maison, il te faut des 2 par 4, des bardeaux, des cabochons, du ciment et un niveau, 300 de livres de clous et 20 tonnes de cailloux, des équerres et des tuyaux, des marteaux et un chapeau. Mais n'oublie pas l'important, l'important, la base de fond, point d'appui de ta maison. C'est tout d'abord un terrain malorin, malorin, malorin. Pour arriver au pignon, il te faut d'abord la cave, un solage et un plancher et un mur de chaque côté. Des fenêtres et des portes, des lucarnes et des poutres, un escalier, un plafond et de la clarté pour monter. Mais n'oublie pas l'important, l'important, la base de fond, point d'appui de ta maison. C'est d'abord un charpentier, mal au pied, mal au pied, mal au pied, mal au pied, mal au pied. Pour isoler ta maison, il te faut des sacs de laine, de la planche en mouvetée, de la colle et du mastic. Coupe froid et coupe chaud, coupe vapeur et coupe vent, papier noir, jaune et gris et d'épaisses feuilles de carton. Mais n'oublie pas l'important, l'important, la base de fond, point d'appui de ta maison. C'est surtout un sac d'écu, mal aux mains, mal aux mains. Pour habiter ta maison, il te faut de l'eau courante, une cheminée pour le feu et un meuble pour la glace. Une table et 4 chaises, une coupe de lit et tout, un éclairage au plafond, une lampe à ton chevet. Mais n'oublie pas l'important, l'important, la base de fond, point d'appui de ta maison. C'est une femme dedans, mal aux dents, mal aux dents. Durablement vôtre, Eric Mutchler. Si t'as tout ça dans la main, fais venir un bulldozer, un maçon, un contracteur, un ou deux menuisiers, un plâtrier et un peintre, 2 ou 3 cogneurs de clous, un décorateur pas cher, et un homme pour les serrures, et un autre pour les tapis, et un autre pour les rideaux, et un autre pour les armoires, et un autre pour la terrasse, et un autre pour le chemin, tu n'en finiras jamais, et c'est ça qui est important. Nous sommes toujours chez Matériaux Naturels de Lorraine, MNDL. Figurez-vous que c'est à Thésée-Saint-Martin, j'aime beaucoup parce que c'est en pleine campagne entre Nancy et Metz. Voilà, j'ai envie de dire que ça se mérite avec vous, Pascal Gérard. Vous êtes le fondateur et gérant de cette entreprise qui depuis 11 ans vend, propose, conseille, loue aussi, on ne l'a pas dit encore, tout ce qui tourne autour de la maison bioclimatique. Et je vous posais la question, Pascal Gérard, comment peut-on être sûr eh bien, que les matériaux qu'on achète chez vous sont des matériaux bio, un peu comme si je faisais le parallèle avec l'agriculture? Est-ce qu'il y a un label, un tampon qui certifie que ces matériaux répondent à un cahier des charges? Alors les matériaux sont donc d'origine minérale ou biosourcée, avec bien sûr les adaptations pour répondre aux règles très strictes du bâtiment. Donc on aura des fibres végétales d'origine bois, chanvre, lin, on aura des produits tels que le liège, on aura des produits aussi d'origine de fibres végétales en produits issus du recyclage, mais ces produits-là seront forcément aux normes, donc aux normes du bâtiment, donc aux normes anti-incendie, aux normes protégées contre les xylophages. Donc forcément, on aura des additifs à rajouter qui devront être le plus propre possible et répondre le mieux aux besoins du client et aussi aux besoins du bâtiment. Mais est-ce qu'il y a un label ? Alors, il y a des labels, il y a beaucoup de labels. Il y a des labels type Nature Plus, il y a des labels type Ange Bleu, il y a une multitude de labels. Il y a bien sûr les labels A+, A++, qu'on va retrouver sur nos produits, plus ou moins. mais ce sont souvent des labels, ce sont souvent des labels privés, ce ne sont pas des labels officiels. Mais il n'y a pas un label officiel tel AB, par exemple, comme agriculture biologique. Vous évoquiez tout à l'heure, Pascal Gérard, vous avez parlé de matériaux biosourcés. C'est quoi les matériaux biosourcés ? Bah, bio-vivant, donc issu du vivant. Donc le vivant, bah, ça va être donc les fibres végétales, donc issues de l'arbre, ou issues de fibres comme le chanvre, ou issues du liège. Voilà, donc là on est dans du biosourcé. En produits recyclés, on sera d'origine biosourcée aussi avec du coton recyclé, puisqu'au départ le coton c'est une plante. On sera aussi en biosourcé avec la ouate de cellulose, puisque l'origine c'est de la pâte à papier, donc fibre de bois. Donc l'origine, oui, c'est issu donc du vivant. Est-ce que, comme on va rester sur le parallèle avec l'alimentaire, le bio, est-ce qu'on a les mêmes réflexions, les mêmes remarques ? Est-ce que vous avez de la part de vos clients, Pascal Gérard, souvent les mêmes remarques, notamment quant au prix ? Oui, là, on a longtemps eu des. Au tout début où j'ai créé l'entreprise, on était dans des prix qui étaient beaucoup, très très supérieurs, je veux dire, aux produits classiques. Mais vu à quelle vitesse les produits se sont diversifiés, on arrive maintenant à être des fois moins cher avec une peinture naturelle qu'avec une peinture synthétique. Pour quelles raisons ? Pour des questions d'économie d'échelle ? De quantité ? Oui, c'était des questions de distribution, de quantité, d'optimisation du réseau de distribution, tous ces critères-là qui ont fait... Ça, c'est presque encourageant aussi par rapport à l'alimentaire. On peut se dire, si le bio se développe sur le plan alimentaire, ça va aussi réguler les prix. Ah bah tout à fait. Hein. Un produit, plus il est fabriqué, plus il est distribué, plus son prix va chuter. On est ici chez Matériaux Naturels de Lorraine, à Thésée-Saint-Martin. Pascal Gérard, je profite puisqu'on est là, on aille visiter. On dit quoi ? Votre magasin ? Votre dépôt ? Moi, je dis plutôt négoce, parce que le magasin est très petit, bon, représentatif, mais ce n'est pas vraiment le grand magasin où on va se promener en famille le dimanche. On ne va pas citer de marque, mais voilà, ce n'est pas une sortie du samedi. Voilà, ce n'est pas la sortie. Pascal Gérard, quand même, dans votre bureau, vous auriez quand même pu faire un petit effort et mettre en œuvre des matériaux que vous vendez vous-même dans votre magasin, non ? La peinture est une peinture à l'argile. Mais allez, c'est vrai que vos cordonniers mal chaussés. On est là à l'entrée de votre négoce, pour reprendre votre vocabulaire. Là, quand même, ça ressemble furieusement à un magasin. On dirait presque un peu une droguerie. Une boutique. Boutique. Moi, je dirais une boutique, parce que c'est un lieu qui est un peu exigu et où on présente un maximum de choses. Voilà. Alors ici, très concrètement, on trouve quoi ? Très concrètement, à part ici, le boutiquier qui est là derrière. Ici, on va trouver donc Arnaud à l'accueil et on va trouver donc tous les produits de décoration type peinture et produits d'étanchéité. Éclairage et aussi donc tout ce qui est échantillons de couleurs réelles et de matériaux réels. Derrière moi, là, on se retourne. Voilà. Donc les échantillons, donc des enduits, des peintures, des badigeons, des enduits à l'argile, des enduits à la chaux. Alors si je prends ce produit-là, par exemple, totalement au hasard, oui. Un enduit isolant. Ça consiste en quoi, ce produit ? Je ne sais pas si c'est un bon Alors, exemple. C'est un enduit qui va permettre de faire une correction thermique sur un mur. Et c'est un produit donc, qui est isolant à base d'argile. Donc là, on a un échantillon pour montrer au client quelle allure il a, quelle couleur, quel poids, quelle matière. En vous écoutant, parce que déjà, on peut se demander finalement pourquoi est-ce que dans nos maisons, on utilise... tant de produits chimiques alors que la nature nous offre des terres, des colorants de façon tout à fait naturelle. Bah après c'est du conditionnement, après on a tellement été imprégné par les publicités, par les produits magiques, faciles à poser. Pas si magique que ça au final. On est resté dans des habitudes, on est resté dans des clichés. Et maintenant, il faut sortir de ces clichés-là et puis revenir à des matériaux anciens qui sont maintenant remis au goût du jour. Durablement vôtre, Eric Mutchler. On sort de la boutique, Pascal Gérard, on est là dans ce qui ressemble fort à une ancienne étable, écurie peut-être. Une grange. Ou une grange. Une grange qui, depuis l'origine de l'entreprise, est ma première zone de stockage, où je pouvais donc mettre tous les matériaux nécessaires pour pouvoir répondre rapidement donc, aux besoins de la clientèle. Est-ce que les gens ne sont pas surpris, vos clients ne sont pas surpris, Pascal Gérard, lorsqu'ils viennent pour la première fois chez vous, c'est un peu l'autre cas, où on se dit, bon, on attend un magasin qui vend, on a bien sûr tous les références habituelles que vous évoquiez tout à l'heure, on s'attend à trouver un magasin avec des rayonnages, bon là c'est pas le cas du tout, c'est une ancienne ferme, on l'a bien compris, transformée pour les besoins de la cause, en pleine campagne, comment c'est perçu par les clients ? Alors les clients sont bien sûr surpris de prime abord, mais après trouvent ça atypique et trouvent que les bâtiments, les zones de stockage sont dans le contexte de l'entreprise et dans le contexte donc des matériaux. Et après, j'ai souvent l'impression qu'ils se sentent vraiment à l'aise chez eux et qu'ils sortent vraiment du contexte grand magasin, grande distribution et qu'ils sont dans une structure spécialisée qui répond différemment à leurs attentes. Alors vous avez tant grandi que cet espace-là n'a plus suffi et qu'il a fallu... vous étendre toujours à Thésée-Saint-Martin, oui. Dans un autre espace. Alors vous avez, un attrait particulier pour les anciennes étables, mais là en l'occurrence c'était le cas aussi. Il fallait trouver quelque chose de pratique et de toujours pareil, de très proche du téléphone et du bureau. Donc dans le village, j'ai eu la chance de pouvoir avoir des locaux, agricoles. Reconverti en zone de stockage qui m'ont permis de passer de 300 mètres carrés à 1000 mètres carrés de stockage. Matériaux naturels de Lorraine, Pascal Gérard, j'imagine qu'on a vous demandé quelquefois si les matériaux naturels que vous vendez ici, chez MNDL pour faire court, proviennent tous de Lorraine. Oui, c'était les réflexions qu'on avait au départ. Alors vos matériaux viennent tous de Lorraine, parce qu'on a cherché à un moment, on avait beaucoup de gens qui cherchaient à avoir des produits circuits courts, vraiment fabriqués local, et ainsi de suite. Et bon, après j'ai vite démenti le fait que les matériaux devaient répondre à des normes, donc ils étaient fabriqués de plus en plus souvent maintenant en France, ou à proximité, Allemagne, Belgique, Portugal, c'est un peu plus loin. Mais bon, les matériaux ne viennent pas tous de Lorraine. Vous citez l'Allemagne. J'ai cru comprendre que bon nombre de produits aujourd'hui encore proviennent de l'autre côté de la frontière. Et somme toute, vous êtes ici plus près de la Forêt-Noire que de Bordeaux ou de Marseille. Donc on est dans du circuit court européen là pour le coup. Comment vous expliquez, Pascal Gérard, cette avance des Allemands dans le domaine de la bioconstruction ? Ils ont une avance parce qu'ils n'ont pas eu de frein, je pense, au développement de ces matériaux. Donc ils ont pu rapidement, je crois que les premières fibres de bois datent de 1922 en Allemagne, ils ont pu, sans être étouffés par les grands groupes, développer la fabrication et la distribution donc, de ces produits d'origine biosourcée. Vous sous-entendez par là qu'il y a en France des lobbies qui oriente la production et aussi la consommation. Ah, tout à fait, c'est paraît évident maintenant. Donc, on le voit dans comment réagissent les entreprises, les artisans qui posent, qui sont donc dans des réseaux de distribution, on va dire classiques, qui eux, sont bien sûr sous la tutelle de ces gros faiseurs, de ces gros fabricants qui imposent leurs produits. Thank you. small phones gathering around me. Born a fire from my watch me play. Start to believe it's not the change. Billy Ocean. Bury me in cold on ground. Don't nobody want my me down. Thanks to my crown. Before you leave me lying in the dirt. Take out my boots and do the hurt. All things I work, being undisturbed. Company Gérard, lorsque vous avez fondé il y a 11 ans Matériaux Naturels de Lorraine, ici à Thésée-Saint-Martin, nous sommes en Meurthe-et-Moselle, entre Nancy et Metz, on ne le répétera jamais assez, mais perdu dans la campagne, voilà, de façon ici inattendue. C'est très belle, c'est très beau négoce, pour reprendre votre expression, dans les matériaux biosourcés, écologiques, bioclimatiques, pour la maison. Ça n'a pas été évident au départ, parce que on imagine que, vous disiez tout à l'heure aussi, les artisans eux-mêmes étaient baignés dans l'usage de matériaux qu'on leur a vendus comme étant les plus faciles à poser, peut-être les plus pratiques aussi, sans doute les moins chers. Il a fallu former et peut-être aussi convaincre ces artisans. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'ici, donc, dans cette grange-là, on est sur un lieu de formation. On peut voir sur le mur tout ce qui a été posé comme enduit. Alors, quand vous dites sur le mur, c'est le mur d'origine. C'est le mur d'origine de la grange. Voilà. Donc ici, donc en partenariat avec les fabricants, donc on donne des formations aux artisans, aux entreprises qui s'intéressent à ces produits-là. Est-ce qu'il y a un profil type, Pascal Gérard, d'artisans qui s'intéressent? Est-ce que ce sont plutôt des jeunes qui découvrent ces matériaux, qui ont envie d'y aller? Est-ce que les anciens ont un peu plus de mal en disant « moi je reste à ma laine de verre, tout va bien » On était surpris par des anciens qui avaient des réactions, qui avaient connu la chaux par exemple, ou ces produits-là, et qui étaient vraiment figés sur leur ciment, sur leurs produits modernes, on va dire. Et par contre, des jeunes avaient vraiment envie d'essayer, de poser, de connaître ces, entre guillemets, anciens matériaux, donc à base d'argile ou de chaux et de pigments naturels. Alors comment ça se passe dans ce centre de formation, j'entends bien? Oui. Les artisans arrivent ici, ça dure combien de temps, ça dure combien de jours? Alors on a des formations qui sont soit sur une demi-journée, soit une journée, parce qu'on ne peut pas trop bloquer de temps à ces gens-là qui sont très très occupés. Ils sont circularisés par newsletter ou par lettre d'information ou par téléphone. Et puis on convient avec le technico-commercial du fabricant du jour de formation. Et puis on fait un accueil sympathique, café croissant, repas midi, choses comme ça, avec des temps de pause où chacun peut... Chacun y va, par exemple, de son chacun va poser, chacun va essayer, chacun va... va quelquefois même apporter des idées nouvelles sur la pose et sur les produits. Alors, on sait bien aussi que, comme beaucoup de professionnels pointus dans leur domaine, les artisans du bâtiment sont parfois exigeants. J'imagine que là, on va chercher la petite bête. Oui, mais ça tient pas. Ou alors, oui, ça prend feu. Ou je ne sais trop quoi. Bah, c'est ce qu'on attend, nous. C'est ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un maximum de questions pour que tous les tabous tombent. Tombe à l'eau et puis que les idées reçues s'envolent et que les produits soient validés, acceptés et que ces artisans-là aient vraiment envie de les poser, de les vendre. Est-ce qu'il y a, Pascal Gérard, des artisans qui n'ont, par exemple, jamais vu les produits que vous proposez ou derrière nous, là, des blocs de chanvre? Décrivez-nous ce qu'on voit là, à l'instant, des blocs de chanvre, Pascal Gérard. Bah, le chaud-chanvre, le bloc de chanvre, c'est un isolant méconnu, bon, de plus en plus connu maintenant, mais qui est absolument extraordinaire pour ses qualités hygrométriques et thermiques, et qu'on fait découvrir et que les gens demandent à avoir dans leur maison. Donc, tant que ces artisans-là n'ont pas manipulé, expérimenté la pose, la mise en œuvre de ces produits-là, ils ne peuvent pas se rendre compte de la complexité ou de la facilité de mise en œuvre, suivant comment c'est perçu. Alors, pour être pédagogique, on va dire que ça ressemblerait, alors pas celui-là, parce que celui-là, c'est du banché, c'est-à-dire que on le mélange et on le tasse au fur et à mesure, et puis on monte le mur. Mais il en existe également sous forme quasiment, ça a l'allure un peu d'un aglo, sauf que c'est pas du... Préfabriqué, oui. Voilà. Mais c'est à la base de la chaux et du chanvre, c'est quand même ni plus ni moins, Pascal Gérard, que du torchis. Bah, après, c'est un torchis particulier, puisque c'est uniquement de la chaux et de la chènevotte, donc de la paille de chanvre, pour que le produit soit au maximum isolant. Et ces produits-là, donc c'est sûr, sont aussi sont classés en plusieurs parties. Donc le vrac qui va être posé à la machine ou à la main et qui aura donc une phase humide, et puis aussi des modules préfabriqués, donc les blocs de chaux-chanvre qui eux vont tout simplement pouvoir être maçonnés avec un mortier. Alors chez Matériaux Naturels de Lorraine, on trouve et les blocs préfabriqués, et on trouve le chanvre, et on trouve la chaux. Oui, on trouve tous les éléments, suivant le choix de mise en œuvre, et puis la volonté du client ou de l'artisan pour pouvoir mettre en œuvre un chaud-chanvre. Vous louez également du matériel qui va être nécessaire à l'utilisation de certains matériaux. Oui, on a eu besoin d'avoir certaines machines spécifiques, genre malaxeur, basse vitesse pour mélanger donc la chènevotte et la chaux. Donc c'est une machine qu'on peut louer. Ça, c'est l'appareil qu'on voit là. Voilà, donc c'est le module là qu'on voit. On met la chaux, on met la chènevotte, on met l'eau et après on obtient donc notre mélange. On peut faire ça dans une bétonnière. Très lent. C'est un malaxeur horizontal parce que la bétonnière n'est pas adaptée parce qu'elle tourne trop vite et on n'obtient pas le résultat. Tout comme pour la ouate de cellulose, on a donc trois types de machines pour décompacter cette ouate et la souffler en flocons de façon... Ça, c'est la machine derrière oui, rouge. D'accord. Là, on a trois machines, une petite, une moyenne et une grosse qui n'est pas ici, qui permettent donc de faire des chantiers de taille plus ou moins importante en ouate de cellulose, de façon à ce que le produit soit posé dans les règles de l'art et soit le plus performant possible. Et ça, c'est du matériel qui est utilisé par les professionnels. On loue certaines machines uniquement aux professionnels, parce que c'est des très grosses machines avec besoin d'une formation. Et puis par contre, on a d'autres machines plus simples d'utilisation qui sont louées aux particuliers. Alors évidemment, de ce point de vue-là, ça ressemble à un magasin qui vend des matériaux, sauf qu'on a bien compris que ce sont des matériaux naturels. On va avancer un petit peu derrière nous, on va passer entre un autre espace de stockage et puis votre chariot élévateur. On peut être dans les matériaux naturels et parfaitement équipé. On est là devant un bel assemblage de quoi d'abord ? Alors là, c'est une zone de stockage où on a un stock assez important d'enduits à l'argile. Donc ça nécessite beaucoup de stockage parce que les teintes sont dans les produits. Donc il faut avoir quand même toute une quantité de couleurs pour pouvoir répondre rapidement aux demandes de nos clients. On a aussi sur cette zone de stockage des pigments naturels, on a sur cette zone de stockage aussi tout ce qui est produit d'étanchéité. Donc on a besoin de répondre en quantité rapidement à nos demandes. Pascal Gérard, aujourd'hui une maison bioclimatique, c'est une maison qui est agréable à vivre, qui est très économe en énergie. On voit encore beaucoup de maisons en agglo, béton. Quand ils ont la chance d'être recouverts d'isolant, ça va, mais sinon ce sont des passoires thermiques. Comment c'est possible encore ? Bon, c'est de moins en moins, c'est de moins en moins vrai. Ça a beaucoup évolué. C'était très très vrai quand j'ai commencé, beaucoup moins maintenant. Après, c'est une question d'information. Après, c'est une question d'idées reçues sur le coût des matériaux biosourcés. Bon, c'est sûr qu'on va avoir une petite plus-value, mais sur le long terme, on aura donc tellement d'économies et de bien-être qu'on s'y retrouvera. Bon, souvent, c'est encore un manque d'information et de formation. Et dans votre annexe de dépôt que vous évoquiez tout à l'heure, Pascal Gérard, qui est très grande aussi, vous avez encore d'autres produits ? Bah, on a eu besoin d'une annexe parce que les volumes étant devenus très importants, on devait répondre en quantité à nos artisans, à nos autoconstructeurs. Donc on a une annexe de 700 mètres carrés. Et là-bas, on stocke aussi des produits spécifiques comme la chaux sous toutes ses formes pour répondre à toutes les problématiques liées à la chaux. On répond aussi en produits en terre, c'est-à-dire type tomates, briques de terre crue compressées, tous ces produits-là, pour lesquels on complète, on va dire, l'habitat et la décoration en habitat bioclimatique. Alors on se dit que c'est parti, embarquez. Posé sur une bouteille de trou noir, je remonte sans cesse le comptoir de mes rêves. Et là je me stoppe et je regarde. Tellement de gens différents, des pas marrants ou pas mariés, aux marins qui n'aiment pas ramer, aux marins qui n'aiment pas ramer. Et ces maisons qu'on ne finit pas, et ces maisons qu'on ne finit pas, qu'on emménage de poste de télévision, qui me servent à rien pour que je te rencontre, que tu lui parles, lui pose la bonne question. Il n'ose pas entendre la réponse, il n'ose pas entendre la réponse. Et ces bateaux qui ne partent pas, et ces bateaux qui ne partent pas, et ces maisons qu'on ne finit pas, que l'on emménage et qui ne nous plaisent pas une fois terminées. Alors hop, on s'en va. Et les ruines qui restent là et pourrissent à côté de nos têtes d'enfants. Et les ruines qui restent là et pourrissent à côté de nos têtes d'enfants. Et ces fusils qui ne se taisent pas, et ces fusils qui ne se taisent pas. Tchè tchè. Et ces messagers de Dieu qui ne nous veulent pas parce qu'on n'est pas comme ça, ou qu'on n'a pas le même baptême, on ne gagne pas les mêmes batailles. Non, on n'a pas le même baptême, on ne gagne pas les mêmes batailles. Et moi je taille la pierre à main nue dans tout cela avec ma tête pour enfant. Et moi je taille la pierre à main nue dans tout cela avec ma tête pour enfant. Et mes rêves d'acteur dans ton cinéma, où mon rôle serait d'être amoureux de toi, où mes bras en une tanière abriteraient le paradis que sont tes je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et ces fusils qui ne se taisent pas, et ces bateaux qui ne partent pas, et ces maisons qu'on ne finit pas, et ces bateaux qui ne partent pas. Tant pis pour eux, on y va, on y va. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Pascal Gérard, vous n'avez pas toujours été négociant en matériaux naturels. Non, c'est un parcours atypique qui m'a amené à ce métier-là. Je suis né quand même dans le bâtiment, fils d'artisan, donc j'ai goûté à tous les points du bâtiment, construction, plomberie, électricité, etc. Et après, je suis donc parti travailler 23 ans dans l'informatique. Et vous n'avez pas eu à un moment donné envie de reprendre ou travailler avec votre père? Il n'était pas, non, c'était le caractère de mon père ne permettait pas que je reprenne l'entreprise, donc on était plutôt incompatibles. Et puis ma formation m'a amené à l'informatique. Ensuite, sorti de l'informatique à l'époque où c'était plus l'Eldorado, j'ai donc entamé ma reconversion. J'ai repris des études supérieures pour être enseignant. L'enseignement ne m'a pas vraiment plu, donc j'ai quitté au bout d'un an. Et en tant que formateur, je voulais former les autoconstructeurs ou les artisans à la construction et à l'habitat bioclimatique. Ça veut dire quand même qu'après 23 années passées dans l'informatique, vous êtes revenu quand même un peu à la fibre initiale du bâtiment. Oui, une envie d'entreprise. C'est-à-dire que l'informatique telle que je l'ai connue à l'époque, du balbutiement jusqu'à 2000, on était tous des indépendants, des travailleurs indépendants dans des grosses entreprises, mais on avait tous une indépendance de travail. À partir du moment où on a perdu ça, j'ai eu besoin de retrouver une indépendance de travail. Et pour moi, la seule façon de retrouver une indépendance de travail, c'était d'aller vers l'entreprise. Vers l'entreprise, mais en même temps, choisir des matériaux naturels, il y a 11 ans, d'abord, on l'a déjà dit, un pari un peu fou de s'installer à Thésée-Saint-Martin entre Nancy et Metz, plutôt à l'est de l'axe. Hein. Vous êtes assez loin de l'axe principal, si ce n'est pour le cyclotourisme. Vous avez quand même gardé une sensibilité à l'écologie, à la construction naturelle, au bâtiment naturel. Bah oui, de fait, j'ai une fibre. Parce que vous auriez pu, pardonnez-moi, parce que déjà, vous convertir dans une voie totalement différente. Oui, tout à fait. Mais l'envie de vivre sainement à la campagne, de cultiver mes légumes, d'habiter une maison ancienne, m'a amené forcément vers ces matériaux-là, et plus mon entourage dans le village. Il y avait donc des personnes qui travaillaient déjà, qui s'étaient déjà orientées vers ce créneau-là. Et puis une superbe formation dans le Périgord, donc qui m'a permis de connaître ces matériaux, leur mise en œuvre et l'architecture bioclimatique. Et aujourd'hui, vous êtes 2 salariés. Oui, donc j'ai travaillé longtemps seul, c'était devenu vite insupportable de par la charge de travail, et puis donc j'ai trouvé un collaborateur très, très efficace, très performant, qui m'épaule maintenant, et on travaille très très bien à deux, bien qu'on soit de nouveau saturé de travail. Ça veut dire perspective d'embauche ? Alors, perspective d'embauche, à condition que je puisse modifier ou changer de locaux, donc actuellement... J'ai toujours un projet de construction de bâtiments sur une zone artisanale, donc à Nomini. Mais l'âge allant, le temps passant, ça va être très difficile de tout juguler. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Pascal Gérard, quand on est comme vous, fondateur, gérant du négoce matériaux naturels de Lorraine, on est plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Moi, je serais positif et plutôt coup de cœur. Donc, le grand plaisir, c'est de toujours être passionné par mon travail, passionné par les produits, passionné par le développement, le relationnel avec les clients et le relationnel avec les fournisseurs. Pour autant, est-ce qu'il n'y a pas... Alors, on sent bien votre passion, Pascal Gérard, et puis je pense qu'il y a 11 ans, lorsque vous avez choisi de vous engager dans cette voie, je crois d'ailleurs votre comptable vous avait dit que vous aviez un grain. Alors là, pour le coup, c'était pas un grain de chose, c'était un grain de folie. Donc, il fallait à l'époque être totalement convaincu et enthousiaste et formé, et convaincu surtout. Aujourd'hui, est-ce que avec l'engouement relatif mais naissant pour ce type de matériaux, ne risque pas d'attirer des gens peut-être moins ou nettement moins vertueux que vous, simplement parce que c'est un secteur économique en forte croissance? On est confronté, je dirais, c'est un peu prétentieux, mais à l'incompétence de certains concurrents. Donc, ces produits sont distribués, on va dire, un peu partout, mais sans conviction, sans motivation, sans envie vraiment de faire leur promotion, parce que c'est dans l'air du temps. Je dirais qu'on est un peu seul encore sur ce marché-là et que le retour de nos clients, c'est un vrai bonheur parce qu'ils nous disent qu'enfin ici, ils trouvent le conseil et les produits qui partout ailleurs, on leur présente sans réelle motivation, sans réel argumentaire. Est-ce qu'il y a beaucoup de clients, artisans du reste ou particuliers, Pascal Gérard, qui viennent vous voir et qui, vous l'avez un peu effleuré tout à l'heure, mais découvrent certains produits et qui se disent « mais pourquoi ne pas utiliser ça plutôt que, on le disait tout à l'heure, de la laine de verre » ou on ne va pas citer de marque, mais on a bien compris, et qui finalement ont une espèce de barrière culturelle à franchir avant de venir redécouvrir ces matériaux. On a beaucoup d'artisans et de professionnels qui ont vu nos matériaux, on va dire, ailleurs, sans qu'on leur en fasse la promotion, sans qu'on leur présente, sans qu'on leur dise comment les poser, et qui viennent nous rencontrer, nous, parce que nous, on va pouvoir parler de ces matériaux-là, leur donner des formations, leur donner des conseils, et les aiguiller pour qu'ils puissent, eux, les utiliser et les mettre en œuvre. Donc, le fait que ces produits-là se trouvent de plus en plus, c'est excellent pour nous, distributeurs de ces produits-là. Plus un produit est connu, mieux on le vend. En plus, il y a eu le phénomène Internet qui est phénoménal, donc où les gens ont trouvé énormément d'informations sur ces produits, sur leur mise en œuvre, et qui nous ramènent finalement une très très grande clientèle. Et est-ce que le fait d'être dans les matériaux naturels, donc on va dire dans la mouvance écolo-bio, Pascal Gérard, est-ce que pour autant ça vous emmène dans un monde de bisounours ? Vous restez quand même dans le négoce, vous êtes un homme d'affaires, j'imagine qu'une négociation sur le prix, ça reste une négociation sur le prix. Comment ça se passe ? J'ai beaucoup appris avec ce métier-là, parce que je suis tout neuf dans le commerce, mais c'est vrai que les prix sont très importants, donc il faut faire des très gros volumes, il faut bien négocier les prix d'achat pour répercuter des prix plus bas possible à nos clients, de façon à ce que les artisans puissent travailler et que les gens se convertissent à ces matériaux-là sans avoir à faire de sacrifices financiers. Ça reste malgré tout un investissement un peu plus cher que l'on amortit évidemment sur la durée parce que ça apporte des économies d'énergie, notamment également en termes de santé. Ça reste quand même une approche réservée à une classe, à une catégorie sociale et professionnelle avertie, Pascal Gérard. Non, au départ, on avait donc une clientèle exclusivement d'écolo, entre guillemets. Maintenant, c'est toute classe sociale. Après, suivant la classe sociale, ils feront faire ou ils feront eux-mêmes, mais la motivation reste la même. Et puis, on a souvent des gens qui sont surpris par, finalement, le prix qui n'est plus si important que ça par rapport à d'autres matériaux qui apportent moins de qualité à l'habitat. La clientèle a évolué. Vous avez dans votre tiroir, là, à gauche, un petit objet. Vous dire simplement que vous nous racontiez l'anecdote. On va rester très respectueux, bien sûr. On respecte. Hein. Mais j'aimerais que vous nous racontiez cette petite histoire, Pascal Gérard. De toute évidence, la clientèle a changé entre il y a 11 ans et aujourd'hui. Une anecdote, c'est mes premiers clients sur les foires bio, où je présentais donc mes matériaux type isolant ou produits de décoration, ont été une fois testés au pendule, tout simplement. Et vous en avez gardé un. Moi aussi, j'ai un pendule. J'ai appris aussi à travailler au pendule. Mmh. Et un jour, une cliente m'a dit, je vais vous dire quel est le matériau le plus écologique parmi vos isolants. Elle a sorti son pendule et elle ne s'est pas trompée. Elle s'est arrêtée sur le chanvre. Donc un produit plus que 100% naturel, avec toutes les qualités écologiques qu'on peut demander à un produit. Alors évidemment, il n'y a pas de moquerie hein, dans le propos là. Simplement pour dire que dans les premiers clients de matériaux naturels de Lorraine, il y avait une partie de gens, comment le qualifier, d'extrêmement convaincus, quoi. Ah oui, donc on avait donc des écolos purs et durs qui étaient aussi exigeants avec les matériaux qu'ils mettaient dans leur maison qu'avec la nourriture qu'ils mettaient dans leur assiette. On a beaucoup fait le parallèle entre justement l'alimentation et la construction. Vous pensez que les choses vont se développer, la courbe de développement vont rester parallèles? L'évolution est constante dans la demande de produits écologiques pour l'habitat. C'est beaucoup lié aussi à tout ce qui a été annoncé sur la qualité de l'air et sur la pollution intérieure des maisons. Merci Pascal Gérard. Je vous remercie également. Voilà pour ce reportage sur l'entreprise Matériaux Naturels de Lorraine, MNDL pour les intimes, qui propose des solutions écologiques pour un habitat économe et sain situé à Thésée-Saint-Martin en Meurthe-et-Moselle, avec son fondateur et gérant Pascal Gérard. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mndl.fr. Vous avez pu écouter dans l'ordre « Pour bâtir une maison » par le Québécois Félix Leclerc, paru sur l'album « L'Alouette en colère » sorti en 1972, « Boots » par le groupe canadien The Dead South, paru sur l'album « Illusion and Doubt » sorti en 2017, et enfin « Les maisons » par le groupe « La rue qu'est à nous » paru sur l'album « Ouvert à double tour » sorti en 2003. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.